Une surprise. Bonjour, mes amis, dit le père Schulz en rejoignant Paul Aubry et sa sœur qui se promenaient dans le jardin. Oh, bonjour, révérend père, s'exclamèrent ensemble les promeneurs. Comment vous portez-vous? Mais à merveille, mes amis, comme à l'âge de 50 ans. Tant mieux, fit madame de Boismorel. Nous vous avions cru malade, mais on nous a appris que vous étiez absent de Munich. Oui, j'ai fait un petit voyage dont je suis très satisfait. Et la bonne figure du père exprimait en effet le plus vif contentement. Pendant qu'ils s'entretenaient familièrement, le facteur vint remettre à Paul Aubry de larges plis, l'un à son adresse et l'autre à l'adresse de sa sœur. Deux lettres à la fois constituaient un événement pour eux qui n'entretenaient plus de correspondance. Aussi est-ce en tremblant qu'ils reçurent les lettres. Le père Schulz, voyant leur émotion, s'excusa de ne pouvoir rester plus longtemps en leur aimable compagnie, et il s'éloigna en souriant d'une façon mystérieuse. Les lettres étaient de la même écriture et portaient le timbre de Paris. De qui donc peut-elle venir? Se demandant tout haut madame de Boismorel en examinant curieusement l'enveloppe qu'elle hésitait à ouvrir. De madame la comtesse de Frontenac, s'écrit son frère qui avait déjà ouvert et lu sa lettre. La comtesse de Frontenac, répondit comme un écho madame de Boismorel. Oui, ces lettres venaient bien de la comtesse de Frontenac, et elles étaient rédigées à peu près dans les mêmes termes. Voyons ce que la divine écrivait à Paul Aubry. Paris, 27 avril 1696. Mon cher lieutenant, je suis heureuse de vous informer qu'à la sollicitation pressante du révérend père Schulz, curé de l'église Saint-Michel à Munich, où vous et votre sœur résidez depuis 6 ans, j'ai demandé votre grâce à notre illustre roi, et que Sa Majesté me l'a accordé sans aucune réserve. Muni de cette haute autorisation, j'ai fait les démarches requises auprès du tribunal qui avait prononcé l'arrêt contre vous et madame de Boismorel, et j'ai eu le bonheur de faire rescinder la sentence qui vous condamnait tous les deux à 12 ans d'exil, en dehors de la France et du Canada. Donc, à dater de ce jour, vous êtes libre, et vous pourrez, si vous le désirez, reprendre votre service dans la marine. Je vous communiquerai toutes les pièces officielles qu'on a bien voulu me remettre relativement à votre mise en liberté. Avant de venir me voir, le révérend père Schulz avait écrit à monsieur le comte de Frontenac pour implorer son pardon en votre faveur. La réponse du gouverneur du Canada ne se fit pas attendre. La voici. Je pardonne de grand cœur à ces malheureux compatriotes, parce que je crois, comme vous, à leurs regrets sincères. Ils ont déjà réparé leur faute par une conduite que je ne puis m'empêcher d'admirer. Puissent-ils désormais faire honneur au beau nom qu'ils portent et servir fidèlement le roi et la France. Inutile d'ajouter que moi aussi, je vous pardonne volontiers tout le tort que vous avez voulu me causer. Agréez avec mes meilleurs souhaits l'assurance de mon humble protection quand vous serez de retour dans notre cher pays. Anne de Lagrange, comtesse de Frontenac. Je renonce à décrire ce que ressentaient en ce moment Aubry et sa sœur. Ils riaient, pleuraient, se félicitaient, s'embrassaient ou faisaient des pas mesurés dans les allées en s'accompagnant de la voix. Cette nouvelle inattendue les avait jetés dans un vrai délire. « François, cria Henriette, je croyais que monsieur et madame étions malades. Allons voir dans le jardin. » François comprit du premier coup d'œil la cause de cette exaltation et il se mit à applaudir de ses larges mains. Henriette, elle, qui finit par comprendre à son tour, dit en pleurant de joie, « C'étions le plus beau jour de ma vie. » 2 semaines plus tard, après avoir vendu la villa à Wilhelm, accompli plusieurs actes de charité et remercié chaleureusement le révérend père Schulz, leur véritable sauveur, le lieutenant Aubry et sa sœur reprenaient, l'âme en fête, le chemin du pays natal. Leur première visite en arrivant à Paris fut pour madame la comtesse de Frontenac, qui résidait à l'arsenal, où le duc de Lude, grand maître de l'artillerie, lui avait donné une hospitalité viagère. La comtesse les accueillit de la manière la plus cordiale et leur remit les précieux documents qui les réhabilitaient dans tous leurs droits. Aubry et sa sœur surent trouver les mots justes en exprimant leur gratitude à cette noble femme qu'ils se reprochaient encore d'avoir si sottement calomniée. « N'en parlons plus, voulez-vous ? fit la comtesse avec son fin sourire. Comme les visiteurs allaient se retirer, la comtesse demanda à Paul Aubry s'il avait l'intention de rentrer dans la marine. « Oh oui, madame la comtesse, » répondit-il. « Mon plus grand désir est de servir la France, et s'il le faut, de mourir pour elle. » « très bien, mon cher lieutenant. » Puis, se tournant vers madame de Boismorel, elle l'interrogea. « Et vous, madame ?»« Moi, madame la comtesse, je veux continuer toute ma vie à réparer mes torts, en employant ma fortune au soulagement des pauvres. » La comtesse, très émue, baisa au front la jolie repentante, et elle serra la main de Paul Aubry, qui était fier et heureux de s'entendre appeler, pour la première fois depuis 6 ans, mon cher lieutenant.